un égal, un non négociable. Ouais. Pire Luemba. Il est pensati, chagrin, amour, attendre, tu as dit, c'est fait sa carte, mon ami. Quand on a eu la voix, il m'a dit, moi, il m'a dit, comme il coupe ma vie pour le jamais revoir la sandana. Chantal Luemba, superstar. Patricia Sonia et Nadine Luemba. Cathy Nyanga, Melissa et Tania Amega. Stone Warley. Mofran Mongou. Frédéric Kassongo. Olivier Tadé. Et là, il y a foutu là. te. Yamudinda te. Yamudinda te. Yamudinda te. Yamudinda Salama, Jimmy Show Owanjo.